Les grandes séries. Ici Stéphane Garneau. Tous les vendredis, je vous invite à prendre le temps d'explorer certains sujets plus en profondeur à l'aide d'archives et de témoignages soigneusement choisis. Aujourd'hui, nous poursuivons la diffusion d'une édition spéciale de l'émission Aujourd'hui l'Histoire qui propose de raconter l'histoire du cinéma en survolant les années 50, 60, 70, 80 et 90. Au cours des cinq prochaines semaines, les invités de Jacques Beauchamp vont discuter de sujets aussi variés que Marlon Brando, James Bond, La Nouvelle Vague, Star Wars, Woody Allen, Jean-Claude Lauzon ou encore le film Titanic. Ce deuxième épisode se concentre sur les années 60 avec La Nouvelle Vague, James Bond et Audrey Hepburn. Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les années 60 au cinéma. C'était les grandes années des cahiers du cinéma, l'éclosion de la Nouvelle Vague. Quand on pense, quand on regarde en ce moment la filmographie de François Truffaut, il tournait 2 à 3 longs-métrages par année. Jean-Luc Godard, c'était la même chose. À tous les 6 mois, il y avait un nouveau film qui nous arrivait. À tous les 3 mois, il y avait un film d'un autre réalisateur. On avait l'impression de véritablement faire partie d'un grand courant cinématographique. Puis au Québec, c'était l'éclosion complète qui commençait du cinéma indépendant, avec Jean-Pierre Lefebvre, avec les documentaires de l'ONF qui devenaient des films de fiction, tous les premiers films de Pierre Perrault. Si l'effervescence des années 60 au cinéma dont parle le producteur Roger Frappier à l'émission Point de vue en 1999 est bien celle de la Nouvelle Vague en France, celle du cinéma de Jean-Pierre Lefebvre ou de Pierre Perrault au Québec, ailleurs sur la planète cinéma, ces mêmes années 60 s'incarnent tantôt par la beauté et l'élégance d'une Audrey Hepburn, tantôt encore par le flegme et la dégaine d'un James Bond. Avec les années 60, le cinéma voit arriver une nouvelle vague de visages, autant devant que derrière la caméra. C'est la pêche la plus enivrante, qui donne le plus de passion à l'homme. C'est la pêche la plus belle qui peut se faire. C'est le vieux temps passé qui arrive, mes beaux. C'est le vieux temps passé, le vieux. Quand Dieu invente ça, le sauvage qui a inventé ça, lui. Pour moi, le cinéma, c'est très simple, c'est vivre. C'est vivre en dehors de la fiction, justement. Je crois que toutes nos sociétés ont été, et plus particulièrement les sociétés colonisées, ont vécu à l'intérieur de fictions qui ont été fabriquées par d'autres. C'était un moyen extraordinaire de dépersonnaliser les hommes. De cette façon-là, on y parvenait pas à coup sûr et pas éternellement, mais éventuellement on couvait les sociétés de cette façon-là, et le Québec a payé cher toutes sortes de fictions qu'il a vécues. Pour moi, l'utilisation de la caméra, c'est un moyen pur et simple de m'incruster dans ma réalité, puis en définitive d'essayer de savoir qui je suis. Le réalisateur Pierre Perrault, parlant de sa vision du cinéma, des bases sur lesquelles repose également son fameux cinéma vérité, extrait du documentaire radio Pierre Perrault, un poète sans bon sens, diffusé à notre antenne en 2009. Pierre Perrault, ou son film pour la suite du monde, aurait pu faire partie des sujets abordés dans cette émission qu'on consacre aux années 60 au cinéma, mais la difficulté de cette émission-là, c'est de faire des choix, il le faut, des choix déchirants. On retient chaque fois, donc, à chaque heure consacrée à ces décennies au cinéma, 3 séquences par lesquelles on évoque, et j'insiste, on évoque une décennie au cinéma. Pour m'accompagner dans cette aventure, 3 invités. André Habib, qui est professeur au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques à l'Université de Montréal, avec qui on va parler de la Nouvelle Vague française. André Habib, bonjour. Bonjour. Manon Dumais, qui est journaliste culturelle au Devoir, avec qui on va parler de l'une des plus grandes icônes du cinéma au 20e siècle, Audrey Hepburn, l'incontournable. Manon Dumais, bonjour. Bonjour, Jacques. Et Georges Privet, chroniqueur cinéma, habitué de l'émission, avec qui on va parler de James Bond. Et oui, James Bond, parce que, il faut bien se le dire, Georges, c'est quand même cette histoire des James Bond, la série des James Bond, l'un des plus grands succès commerciaux de l'histoire du cinéma. Merci d'être avec nous. Bonjour, Georges. Bonjour, Jacques. Première question à tous les trois. En quelques mots, quand vous pensez à cette décennie des années 60, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Georges, d'abord. Oh mon Dieu, il y a tellement de choses, mais ce qui me frappe, c'est que c'est une décennie où tout a changé et on n'a qu'à prendre l'œuvre de n'importe quel cinéaste, par exemple Stanley Kubrick, que j'aime beaucoup. C'est difficile de croire que Lolita et 2001, l'Odyssée de l'espace, appartiennent à la même décennie. Pour moi, ça donne une idée de l'ampleur des changements technologiques, humains, sociologiques de cette décennie. Ça va vite, ça va très vite, ça évolue vite. Et on ne reconnaît pas le début de la fin. Ouais. Manon Dumais, ça se résume à quoi, cette décennie des années 60 pour vous? Ben, les années 60 que j'ai vécues dans les années 70, parce que j'ai peu, étant née en 68, j'ai peu de souvenirs de cette décennie-là. Mais pour moi, c'est les comédies musicales avec Julie Andrews, les western spaghetti avec le beau Clint Eastwood, ainsi que les blondes hitchcockiennes glaciales. Mais comme Georges, un des plus grands chocs esthétiques pour moi et cinématographiques de l'époque, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, que j'ai vu à 6 ans. Et je pense que pendant un mois, j'ai posé des questions à mes parents pour savoir qu'est-ce que c'était, ce truc-là. Vous étiez sérieuse, dites. Donc, quoi qu'il y avait une part de cinéma commercial dans ce que vous avez dit, mais 2001, film fétiche à moins de 10 ans quand même. André Habib, comment vous la décririez, cette décennie? Une décennie d'invention, une décennie d'expérimentation aussi, une décennie aussi où il y a des mélanges, où tout à coup, le plus expérimental et le plus commercial peuvent se rencontrer presque et peuvent être des lieux d'invention extrêmement féconds, extrêmement vibrants, extrêmement vivants, puis d'espoir, de possibilités, disons, à plein niveau, comme l'a dit Georges, en effet. Que deux générations de cinéastes en France, mais il y avait trois générations de critiques. La troisième génération de critiques est passée à la mise en scène, et je crois que le cinéma français ne peut que s'en porter mieux. Est-ce que les cahiers du cinéma et l'équipe qui animait ces cahiers a joué un certain rôle dans ce renouveau français? Oui, c'est-à-dire les cahiers du cinéma ont été une étape, c'est-à-dire que toute cette troisième génération de critiques n'envisageait la critique que comme un stade transitoire avant de passer à la mise en scène. C'est la critique a remplacé, au fond, l'assistanat. Vous entendiez François Truffaut à l'émission Cinéma Nouvelle Vague en novembre 1960. Sur la musique, vous l'avez peut-être reconnu du film de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud, une musique de Miles Davis. Ascenseur pour l'échafaud qui n'est pas techniquement, on pourrait en débattre, un film de la Nouvelle Vague, mais on dit beaucoup que ce film-là a annoncé la Nouvelle Vague. Déjà dans l'extrait qu'on vient d'entendre, André Habib, François Truffaut nous donne des éléments de ce qui caractérise cette Nouvelle Vague, un cinéma d'auteur, un cinéma de cinéphile, un cinéma de réalisateur qui était critique d'abord. Autrement, il y a ça, mais comment la définir, cette nouvelle vague française? Il y a évidemment beaucoup de choses, mais je pense qu'une des premières choses qu'il faut rappeler, c'est qu'entre 1959 et 1962, il y a 150 cinéastes qui font leur premier film. Et ça, c'est un chiffre étonnant dans un contexte où on a une industrie française assez sclérosée, assez âgée, et où l'accès au cinéma se fait par le biais de l'assistanat pendant plusieurs années. Certains, comme Louis Malle, sont devenus, étaient assistants longtemps avant de passer à la caméra, qui était le chemin obligé. Et le coup de force dont Truffaut parle, c'est cette rupture, la fin des années 50, début 60, où en effet, il y a une autre génération, à la fois jeune, et qui ne sont pas passés par l'assistanat, qui accèdent très rapidement par le biais du court-métrage d'abord, et ensuite par le biais du long-métrage au cinéma. Des fous de cinéma, des gens qui aiment le cinéma, des gens qui ont une culture, ça aussi c'est nouveau. Tout à fait, et ça c'est un autre truc sur lequel on aurait pu parler, mais le rapport de la cinéphilie qui a un essor particulier dans les années 50, début 60, et qui devient l'apanage de cette génération-là. C'est un cinéma amoureux du cinéma, et toutes sortes de cinémas. Donc, c'est à la fois le cinéma américain, à la fois le cinéma européen, le cinéma italien. Et ça se voit dans les films. C'est des films signés, des films d'auteurs, où leur culture cinéphilique passe par des citations, par des clins d'œil, par des références. L'arrivée de nouvelles générations, vous le disiez, le chiffre que vous citiez est impressionnant, mais ça, c'est important, cette jeunesse. Puis ça nous permet de parler un petit peu de l'état dans lequel se trouve le cinéma au moment où arrive la nouvelle vague. Mais il y a cette volonté de cette nouvelle garde de dépoussiérer ce qui existe. Tout à fait. Alors il faut d'abord dire qu'il y a un phénomène générationnel sociologique, cette jeunesse qui est un phénomène. D'ailleurs, le terme nouvelle vague désigne d'abord une génération. avant de désigner un groupe de cinéastes ou une esthétique ou un mouvement. C'est une génération, la nouvelle vague, donc ces jeunes de 15 à 25 ans, 29 ans, qui ruent un peu dans les brancards, qui sont jeunes à la fois plus tôt et plus longtemps. Oui. Et qui, dans le cinéma français, mais on peut le voir dans différents cinémas, que ce soit au Québec ou en Tchécoslovaquie. Parce qu'il y a un courant mondial de nouveaux cinémas. Oui. Cette jeunesse-là, à la fois assez éduquée, qui s'est nourrie au cinéma et qui veut se voir à l'écran. Oui. Ce dont parlait Pierre Perrault tantôt sur l'importance de voir la réalité. Et ça, c'est un problème que dans le cinéma français de la fin des années 50, on ne voit pas. Oui. Dans le cinéma de Lanois, dans le cinéma de Carnet, dans le cinéma de Duvivier, avec les acteurs, les actrices qu'on voit à l'écran, on ne voit pas cette réalité-là. Et c'est cette prise de force-là que cette génération-là va tenter de faire. Et cette réalité qu'on veut montrer, c'est aussi la réalité de la rue. On sort des studios, ça c'est important. Exact. Alors c'est bien, cette mutation-là, elle avait été faite déjà dans le cinéma italien, dans le cinéma néo-réaliste, mais c'est vrai que c'était une manière à la fois pour se brancher sur la réalité, filmer les cafés, filmer les appartements, filmer les rues, mais aussi pour se libérer économiquement. Donc il y a un double jeu à la fois de se brancher sur la réalité, mais aussi se soustraire aux contraintes très très très lourdes de la sonorisation, du studio, qui évidemment crée une esthétique a priori plus guindée, plus lourde, etc. Donc il y a ce double désir-là à la fois de libérer la caméra, d'aller filmer dans les rues. Mm-hmm. C'est une époque aussi où les pellicules sont plus rapides, les caméras sont plus légères, on post-synchronise le son, et donc ça libère beaucoup à plusieurs niveaux. On veut s'attaquer au cinéma, ce qu'on appelle le cinéma de papa. Bien sûr. Alors, il y a beaucoup de textes et puis il y a un ton très polémique associé à la Nouvelle Vague. Les attaques de Truffaut dans une certaine tendance du cinéma français et dans d'autres textes. Hein, et Godard aussi, qui va accuser le vieux cinéma. Là, vos mouvements d'appareil sont laids, vos acteurs sont mauvais, etc. Donc, il y a un ton très polémique. En 58, Truffaut avait été interdit d'aller à Cannes. On avait refusé son accréditation parce qu'il avait polémiqué contre telle ou telle critique, etc. Et l'année d'après, en 59, il est en compétition à Cannes. Donc, il y a quand même ce saut assez radical. Mais c'est vrai qu'il y a ce désir de dépoussiérer, de rompre avec cette génération à la fois d'acteurs, de cinéastes, et ce paternalisme un tout petit peu assez lourd qu'on est dans le cinéma français. C'était ma mère, monsieur. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est morte. Les 400 coups est né un petit peu de l'envie que j'avais de faire un film avec des enfants. Probablement aussi une timidité que j'avais à l'égard des adultes qui faisait que j'étais plus à l'aise avec des enfants. Et faisant un premier film, j'avais davantage envie de travailler avec des enfants parce que j'étais sûr de leur indiquer des choses qui soient vraies, qui soient précises. D'autre part, il y avait tous ces souvenirs de l'occupation qui ne sont pas dans le film Les 400 coups parce que je l'ai transposé, enfin je l'ai fait moderne, mais qui étaient finalement des choses très... très personnel, de ma scolarité difficile. Et c'est comme ça qu'est né le film Les 400 coups. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils ne me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. 59, c'est Les 400 coups. Quelle importance va avoir ce film-là? C'est une grosse année, 59. C'est Hiroshima, mon amour. C'est Les 400 coups. Pocket, c'est plein de choses, oui. Alors, c'est un immense film. C'est un film, évidemment, qui a été mûri longtemps. Truffaut a le projet des 400 coups depuis plusieurs années. Il a fait des courts-métrages. Mais avec Les 400 coups, il passe à la réalisation de longs-métrages et il est sélectionné pour aller à Cannes. Le film est évidemment absolument émouvant et extraordinaire, remporte le prix de la mise en scène. La même année qu'Hiroshima, vous l'avez dit. Donc, la compétition française, elle est très relevée. Et elle est l'œuvre de jeunes cinéastes, relativement jeunes. Truffaut a 27 ans, 28 ans. René a 37. Mais bon, il est quand même relativement jeune par rapport à ceux qui, autrefois, occupaient... Et ce ton nouveau, on l'entend, on le voit. Tout à fait. Ce ton, la musique, est quelque chose de très, de très spontané, de très documentaire. Ouais. Hein, on l'a souvent dit, une dimension documentaire, presque. Et puis avec Les 400 coups, l'autre grand film qui va venir tout de suite après, en 1960, c'est évidemment À bout de souffle, réalisé par Jean-Luc Godard. New York Herald Tribune! New York Herald Tribune! Est-ce que tu m'accompagnes, Aaron? Oui, cet idiot, je t'aime. Je voulais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir. Vous venez d'où? Monte Carlo? Non, de Marseille. Je suis resté samedi et dimanche à Monte Carlo. Fallait que je voie un type. Lundi, j'ai essayé de t'appeler de Marseille. Lundi et dimanche, je n'étais pas à Paris. New York Herald Tribune! Ce film fut, après Hiroshima, mon amour, la grande révélation de l'année dernière. Godard faisait fi délibérément des artifices usuels du récit cinématographique. Tourné à peu de frais, plus ou moins à la sauvette, et monté de façon dynamique, à bout de souffle, annonçait une façon nouvelle de faire des films. C'est une façon qui est peut-être nouvelle momentanément, mais qui n'est pas nouvelle en soi. Enfin, je pense qu'au dans l'histoire du cinéma, il y a beaucoup de films qui se sont tournés de cette manière. Autrefois, en général, c'était des films surtout axés sur le réalisme. Par exemple, Jean Renoir, quand il avait tourné Tony, a tourné tout à fait de cette manière. À l'époque, ça avait été une révolution de tourner entièrement en extérieur, avec le son en direct, ou les films néo-réalistes italiens après la guerre. Enfin, ce que j'ai tâché de faire, enfin, ou de ce qu'on pensait avec mes amis, c'est de réagir contre une certaine routine qu'il y avait. Et comme on avait peu de moyens, du reste, c'était le plus facile pour nous. À nouveau, un extrait de l'émission Cinéma Nouvelle Vague, diffusée en novembre 1960. Ce combat, il est inévitable quand on parle de la Nouvelle Vague, André Habib, entre Truffaut et Godard. Quelle importance ont l'un et l'autre dans ce que sera la Nouvelle Vague française? Grosse question. Oui, il y a beaucoup de choses, mais en fait, je dirais que la radicalité esthétique d'un Godard, elle est indéniable. Et puis, on le voit avec À bout de souffle, qui est un film d'une extraordinaire fraîcheur. Il y a le jazz tantôt, qui est très important. Et, bon, à la fois, on entend du jazz, mais aussi le jazz est dans le montage, il est dans le ton, il est dans le côté improvisé, le côté sautillant extrêmement libre de ce film, qui est aussi, bon, pour plein de jeunes cinéastes, un exemple. Voici c'est le film tourné. Pour vous, le film mythique de la Nouvelle Vague? Il y aurait Cléo de 5 à 7, il y aurait quantité d'autres films, il y aurait Lola de Jacques Demy, il y aurait beaucoup d'autres, mais oui. Manon Dumais, Georges Privet, Manon, vous êtes plutôt Godard ou plutôt Truffaut? Au départ, j'étais Godard parce que dans un cours de cinéma français au Cégep, le premier film que j'ai vu, c'était À bout de souffle de Jean-Luc Godard et je suis tombée amoureuse de la Nouvelle Vague et de Godard. Et à l'université, j'ai suivi le corpus Jean-Luc Godard et je dirais que plus la session avançait, plus je déchantais et je me suis rendu compte que finalement, je préférais de loin Truffaut. Pourquoi? Peut-être que je suis pas assez... je suis peut-être trop classique dans mes goûts. Un de mes films préférés de Truffaut, c'est Je les j'aime. Pourtant, bon, c'est pas si classique que ça, mais je peux pas résister lorsqu'il passe à la télé. La même chose, le cycle Doinet, le baiser volé. J'adore ça, tandis que l'éclatement de Godard finit par m'ennuyer. Georges Privet, plutôt 400 coups, plutôt À bout de souffle, plutôt autre chose? disons que mon côté spectateur paresseux préfère Truffaut. L'amant de cinéma préfère Godard et de loin. C'est vraiment ça. Georges, André Habib vous dit un peu la même chose. Le côté cinéphilique, le réalisateur, ce serait Godard avant tout. Je pense qu'en fait, c'est très intéressant parce que la plupart de ces gens-là étaient des cinéastes qui ont fait de la critique. Godard est resté très critique. Je pense que c'est foncièrement un théoricien de l'image qui n'arrête pas de se renouveler, ce qui est d'ailleurs parfois exaspérant parce qu'on a l'impression qu'il a trouvé des choses et il continue. Et il n'a pas peur d'irriter, ce que je trouve extrêmement salutaire. Donc, quelque part, je pense que c'est le seul qui est vraiment resté jusqu'au bout fidèle à l'esprit de la Nouvelle Vague. Toujours jeune. Toujours jeune, toujours en colère, toujours insatisfait, toujours peu supportable, toujours inventif. Puisqu'on est... on glisse avec ce que vous dites dans l'héritage de ce que nous laisse cette Nouvelle Vague. Avant d'en parler ensemble, un extrait d'une entrevue que réalise Denise Bombardier avec Claude Lelouch à l'émission La 11e heure en 1997. La Nouvelle Vague, c'est surtout une révolution de chef opérateur plus que de metteur en scène. C'est-à-dire qu'au moment où la Nouvelle Vague est venue au monde, arrivaient sur le marché les nouvelles pellicules qui permettaient de tourner sans lumière, des nouvelles caméras qui permettaient de quitter les studios, et des nouveaux systèmes d'enregistrement, le fameux Perfecton de l'époque, qui est devenu ensuite le Nagra. Donc, il y a une technique nouvelle qui est arrivée, et c'est les chefs opérateurs qui ont dit les premiers à des metteurs en scène, tu sais que maintenant, on peut tourner n'importe où, on peut sortir en extérieur. Bon. Et donc, ce sont des metteurs en scène qui ont récupéré une révolution de chefs opérateurs. Et donc, ça a été une vraie révolution de techniciens récupérés par des metteurs en scène qui ont fait croire que leur écriture cinématographique avait changé, alors que c'était la technologie qui avait changé. Bon. Et donc, moi, j'étais pas d'accord parce que je trouvais que les films faits par cette école dite de Nouvelle Vague étaient inférieurs à ceux qui les avaient précédés. On n'a pas fait mieux que les films de Carnet, on n'a pas fait mieux que les films de Renoir, on n'a pas fait mieux que les films de René Clément, on n'a pas fait mieux que les films d'Otton Lara. Donc, je me suis dit, si ça fait pas de meilleurs films, il n'y a pas de Nouvelle Vague. Au contraire, il y a même régression. Il y a même régression puisque ces films sont moins beaux, ils sont moins bien éclairés, sont moins bien structurés, sont moins bien construits. Ah, ça, c'est ce qu'on appelle un bon extrait, parce que je suis curieux de vous entendre si ça va susciter la discussion. Recul ou avancer, André Habib, La Nouvelle Vague? Penser qu'autant Lara vaut autant qu'un film de Truffaut, c'est quand même assez odieux. Ce qui est en partie vrai, tiens, on va quand même lui donner ça. C'est vrai qu'il y a une révolution technique indéniable, que Godard, sans Raoul Coutard, Dieu seul sait ce que ça aurait donné. Coutard, dont le directeur photo de plusieurs films, à la fois de Truffaut et de Godard, a apporté quelque chose. Évidemment, ce serait quand même réducteur, j'ai l'impression, de ne pas rendre compte de l'extraordinaire invention, de la qualité de l'écriture, des dialogues, d'extraordinaire direction d'acteurs que, à la fois Truffaut, Godard, Chabrol, Romère, Yvette ont amené au cinéma. Donc la révolution, elle ne peut pas se réduire, j'ai l'impression, à un truc technique. Il fallait quand même un coup de pied dans le tonneau, c'est un peu ça, La Nouvelle Vague. Qu'est-ce que ça va changer dans l'histoire du cinéma? Quel va être l'héritage de La Nouvelle Vague, Manon Dumais? Ben, moi, je pense que ça, La Nouvelle Vague, on aurait continué à faire du cinéma ronflant, comme autant Lara, le cinéma de papa. Parfait. Oui, cinéma parfait, avec un jeu artificiel qui apporte un côté très artificiel de la vie, tandis que le cinéma de La Nouvelle Vague parlait de notre époque aussi. Ouais. C'est parler de l'état du monde. Alors avec tous ces nouveaux visages, on l'a un petit peu évoqué, mais pas que des réalisateurs. Il y a une nouvelle génération, les Gabins vont prendre la retraite graduellement. Oui, et c'est Bébel qui va arriver plutôt que Gabin. La Nouvelle Vague, j'ai l'impression moi qu'elle n'est jamais finie. Elle ne s'est jamais terminée. On parle beaucoup qu'on l'enterra en 1960, mais quand on regarde des cinéastes américains comme Noah Baumbach, j'ai l'impression que La Nouvelle Vague est toujours vivante. On se réfère encore à la musique, au jazz, au piano de Delru, à la façon de filmer caméra à l'épaule, technique très légère. Donc, elle n'est pas morte. Le principal leg, Georges Privet, pour vous? Une nouvelle manière de faire les choses qui est venue à un moment où la vieille manière devenait insupportable et s'étouffait et mourait d'elle-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu des nouvelles vagues un peu partout à travers le monde au même moment. Je pense que c'est phénomène technologique. Là-dessus, je pense que Lelouch a partiellement raison. Phénomène générationnel et quelque chose qui a libéré vraiment le cinéma pour de bon des enceintes où il se faisait normalement des moyens techniques selon lesquels il se faisait d'un système de végétariat et ça c'est un pas, on peut pas revenir en arrière de ça et ça on le doit à La Nouvelle Vague je pense. In style someday, old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way to drift. To see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. Very friend, Moon River and me. L'extraordinaire Audrey Hepburn chantant Moon River, interprétation extraordinaire. C'est tiré du film Breakfast at Tiffany's, Diamant sur canapé en français. Manon Dumais, que représente? C'est aujourd'hui encore, moi je suis, j'aime beaucoup la photo, j'aime beaucoup le cinéma, je suis quelques personnes qui relaient des photos. C'est encore aujourd'hui Audrey Hepburn avec quelques autres grandes figures, une des femmes dont on diffuse le plus souvent et presque quotidiennement les photos. Oui. Qu'est-ce qu'elle représente, cette figure-là? C'est le raffinement européen. En fait, la quintessence du raffinement européen, l'élégance incarnée, mais aussi l'espèce de spontanéité. C'était une actrice instinctive. En fait, elle voulait être ballerine, cette jeune femme-là. Et donc, très tôt, elle a été remarquée dans une école de ballet lorsqu'elle était en Angleterre. Et elle a eu un tout petit rôle, une apparition aux côtés d'Alec Guinness. Et un peu plus tard, elle a fait un film sur la Côte d'Azur, enfin à Monte Carlo, et un film très ordinaire, mais dans l'hôtel, Colette l'a vu et l'a dit, mais c'est ma Gigi. Ouais. À ce moment-là, Colette écrivait la pièce inspirée de sa nouvelle, Gigi, qui raconte l'histoire de jeune courtisane, une demi-mondaine à Paris. Elle a dit, vous êtes ma Gigi. Ouais. Et Audrey Hepburn lui a dit, mais je peux pas jouer au théâtre parce que je ne suis pas une actrice de formation. Elle lui a dit, mais vous êtes ballerine, vous savez ce que c'est, ouais, la discipline. Et donc, pour moi, Audrey Hepburn représente la discipline, mais le travail acharné. Aussi l'élégance, la modestie aussi, parce que jamais elle a prétendu être une grande actrice, jamais elle n'a prétendu révolutionner, ouais, le jeu. Elle dit toujours que c'était vraiment, elle était à la bonne place, au bon moment, qu'elle a eu la chance de rencontrer les William Wyler, mm-hmm, Billy Wilder, Stanley Donen et aussi son mari, Sean Ferrer. Ouais. Pour poursuivre sur ce qu'elle incarne, sur ce qu'elle représente, sur sa beauté, mais au-delà de la beauté, sur vraiment... qu'est-ce qu'elle représente au cinéma? Comment est-ce qu'on compare aux autres grandes? Marilyn, évidemment. À l'époque, Elizabeth Taylor, Grace Kelly. Ben c'est ça, c'est qu'elle était exotique, finalement, ouais, parce que, bon, elle est née à Bruxelles. Ça compte, ça. Oui, ça compte beaucoup. Ses origines, on les perçoit, au fond. Oui, on les perçoit, d'ailleurs, d'abord dans son accent, parce qu'elle parlait 5 langues. Elle est née à Bruxelles, enfin, en banlieue de Bruxelles, d'une mère hollandaise et d'un père anglais d'origine autrichienne. Donc, très tôt, elle parle français, néerlandais et l'anglais. Un peu plus tard, elle apprendra l'italien et l'espagnol avec ses deux maris. Mais et donc, elle a ce côté cosmopolite, ce côté citoyenne du monde. Elle va vivre un certain temps en Angleterre dans un pensionnat. Ensuite, sa mère la retirera du pensionnat parce que la guerre, là, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc, elle vivra auprès de sa mère parce que son père a quitté le foyer. Son père a complètement perdu la boule. Ouais. Il est devenu fasciste. Ce qui a déplu à la famille de la mère d'Audrey Hepburn, qui était une baronne, soit dit en passant. Ouais. Donc, elle vient d'un milieu très aisé. Mais cette famille-là perdra tout à la guerre. Et pendant la guerre, elle dansera, elle ramassera de l'argent pour la résistance. Mais très tôt, elle devra arrêter de danser parce que c'est la famine, c'est le froid. Et donc, faim. D'ailleurs, ce qui explique sa silhouette très gracile, elle va faire une grande dépression pendant la guerre. Elle va passer des journées au lit à lire. Et lorsque les Alliés débarqueront, que l'UNICEF arrivera avec des vivres, elle va s'en souvenir toute sa vie. Et c'est pour ça qu'elle deviendra ambassadrice plus tard. Et si elle n'a pas de formation d'acteur, c'est intéressant. C'est vrai qu'elle est modeste, puis on va y revenir un petit peu plus tard dans cette séquence autour d'Audrey Hepburn. Vous allez l'entendre, cette modestie-là, dans un extrait qu'on vous présentera. Mais si elle n'a pas de formation d'actrice, avec ce qu'on vient d'entendre, on dit que l'acteur va puiser dans son vécu. Il y a tout un vécu. La haute société, la grande éducation, la famine plus tard, enfin, des conditions de vie très, très, très difficiles pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a nourri une actrice. Et c'est une carrière qui va s'échelonner sur départ hâtif à la fin des années 60, mais en gros, c'est deux décennies. Les années 50 et les années 60. Et tout commence vraiment pour elle avec le film Vacances romaines qui sort en 1953. Rome. By all means, Rome. I will cherish my visit here in memory as long as I live. J'ai commencé ma carrière comme danseuse de ballet. J'ai étudié le ballet pendant des années. J'ai dansé à Londres. Et un jour, j'ai eu la chance de faire 2-3 jours au studio dans un film. Et après ça, 4-5 jours, après ça, un petit rôle, après ça, un rôle plus grand. Et tout d'un coup, en 52, j'ai fait un essai pour Vacances romaines, pour William Wyler, le metteur en scène, comme vous connaissez. Et au même temps, la même année, j'ai joué Gigi à Broadway, à New York. Audrey Hepburn, c'était ensuite au début des années 60, Le vent de la plaine de John Huston, aux côtés de Burt Lancaster, puis La rumeur de William Wyler, aux côtés de Shirley MacLaine. Mais le grand film d'Audrey Hepburn, début 60, reste évidemment Diamant sur canapé de Blake Edwards, d'après une nouvelle de Truman Capote. où l'association Audrey Hepburn Hubert de Givenchy fait des miracles, avec une robe noire entrée dans l'histoire du cinéma, mais aussi une chemise blanche et un masque nuit bleu turquoise, sans oublier des Ray-Ban Wayfarer, un grand fume-cigarette, et enfin plus simple, mais tout aussi inoubliable, un Impair beige au moment du plus beau des happy ends, sous la pluie, au rythme du Moon River d'Henri Mancini. Extrait des fabuleuses capsules d'Arte, Blow Up, l'actualité du cinéma. Vous entendiez un extrait de la capsule consacrée à Audrey Hepburn. Et juste avant, vous entendiez Audrey Hepburn elle-même dans une entrevue en français qui racontait donc ses débuts, une entrevue qu'elle avait donnée à Bruxelles en 1959. Manon Dumais, ça va... C'est deux décennies, les années 50, les années 60, la carrière d'Audrey Hepburn. Comment est-ce qu'on part? Est-ce qu'il y a une évolution? Comment est-ce qu'on parle à Audrey des années 50 avec celle des années 60? Ben, dans les années 50, en fait, ce qui est arrivé, c'est que tout le monde s'est entiché de ce visage mutin-là, de cette silhouette gracile, élancée, de cette élégance innée qu'elle avait. Elle aurait pu porter un sac de patates, elle aurait été élégante, ouais. Mais elle portait heureusement du Givenchy. Elle se différenciait beaucoup des autres actrices parce que à l'époque, c'était les rondeurs de Marilyn Monroe, les glaciales blondes hitchcockiennes, aussi la sulfureuse Elizabeth Taylor. Il y avait aussi l'impériale Grace Kelly. Ouais. Elle arrivait, elle avait un côté ingénu, un côté un peu espiègle. Et donc, elle jouait souvent aussi des amoureuses auprès d'hommes qui avaient parfois le double de son âge. Oui. Ça n'a pas changé. Il y a beaucoup encore d'acteurs qui jouent avec des femmes qui pourraient être leurs filles. Et donc, on aimait ce charme spontané parce qu'on avait l'impression que, en fait, elle ne jouait pas. Elle était le personnage. Oui. On l'associait tout de suite, d'emblée, au personnage qu'elle incarnait. Et dans les années 60, elle a pris du coffre, évidemment, et est apparu ce rôle de Holly Golightly, d'après le roman de Truman Capote. Et Truman Capote détestait ce casting-là. Pour lui, Holly, c'était Marilyn Monroe. Il s'imaginait pas du tout Audrey Hepburn dans ce rôle-là parce que c'est une call girl qui est très légère, qui a peur de l'amour, pour qui l'amour est une prison. Et donc, il va rejeter les avances de ce jeune journaliste-là. Et à la défense d'Audrey Hepburn, c'est vrai que le rôle n'est pas du tout pour elle, dans la mesure où elle était une femme très réservée, alors qu'on l'imagine très vive et spontanée. Elle était réservée, assez pudique. C'est une femme d'une grande famille bourgeoise. Et donc, elle a énormément travaillé. C'est le rôle le plus difficile qu'elle a eu à jouer parce qu'il était complètement aux antipodes de sa personnalité. Et aujourd'hui, c'est le rôle le plus emblématique. Ouais. La fameuse petite robe qui s'est vendue à des milliers de livres, des centaines de milliers de livres aux enchères, c'est la robe la plus connue du cinéma. Et l'auteur de ce qu'on entendait, la chanson Moon River, Mancini disait, ça a été repris par plein de chanteuses. Des milliers de fois. Il disait, c'est la seule Audrey Hepburn, encore une fois à sa décharge, qui a compris ce qu'elle chantait. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Georges Privet, André Habib, quand on parle d'Audrey Hepburn, qu'est-ce qui vous vient spontanément en tête, André Habib? Beaucoup de choses. Il y a Funny Face, qui est un film que j'adore, qui est un véritable chef-d'œuvre elle joue avec Fred Astaire, pardon, où là, il y a toute la spontanéité dont vous parlez, puis sa fragilité aussi, qui est magnifique. Je pense que le casting, peu importe ce qu'en pensez, l'auteur fonctionne parfaitement, parce que le personnage de Holly Golightly est aussi un personnage fissuré, animé par une fragilité extrême. Et donc, je pense qu'il y a ça que je trouve extraordinaire. Le début de Breakfast at Tiffany's est quand même extraordinaire. Ouais. Avec ses, c'est une grande époque du cinéma américain aussi. Ouais. Hein, c'est ça, Audrey Hepburn. Georges Privet. La grâce, simplement. C'est aussi simple que ça, la grâce. Moi, j'ai une petite anecdote à raconter sur Audrey Hepburn. Avec des amis, en 1980, on était allé à New York pour voir The Shining. Il sortait un mois plus tôt à New York qu'à Montréal. Et un soir, on se promène près de Central Park, le 22 mai 1980, et Audrey Hepburn est en train de tourner The All Left, un film de Peter Bogdanovich. Je suis au milieu d'un petit groupe d'une dizaine de personnes, elle se tourne vers nous et elle nous sourit. Ouais, la grâce. Et c'est vraiment comme l'émotion qu'on a en regardant quelqu'un à l'écran, sans l'écran. Et c'est un moment qui m'émeut encore quand j'y pense. J'ai jamais osé voir le film de peur d'être déçu par la suite. Et vous vous souvenez de la date, c'est aussi vous dire. Absolument. 22 mai 1980. Et elle était aussi gracieuse en personne, aussi charmante que qu'on pouvait l'imaginer. Ouais. Chanceux. Oui. Georges Privet. Dans la capsule qu'on vous a présentée, dans cette capsule Blow Up consacrée à Audrey Hepburn, on faisait déjà l'association, puis vous l'avez faite vous-même, cette association, Manon Dumais, entre Audrey Hepburn et Hubert de Givenchy. Ce sera une longue et durable et riche collaboration. C'est avec le film Sabrina que ça commence, tout ça. Le film sort en salle en 1954. J'ai toujours douté de moi-même, de mon look, de mon talent, mon soi-disant talent. Je n'ai jamais vraiment cru à tout cela, mais je crois aux résultats et j'en suis d'ailleurs très fière. Mais à l'intérieur, je n'ai jamais changé. To bring it back to pictures, clothes per se, the costume, whether it's modern or... Les vêtements, les costumes, qu'ils soient modernes ou non, ont toujours été extrêmement importants pour moi. Peut-être parce que je n'avais aucune technique d'actrice au départ, puisque je n'avais jamais appris à jouer. Alors, j'ai dû faire semblant, comme le font les enfants qui se déguisent pour ressembler à quelqu'un. And, or a grown-up. You can't, for instance, act the 17th century. Vous ne pouvez pas vraiment jouer le 17e siècle, comme vous ne pouvez pas vraiment jouer une religieuse, jouer aux très riches ou aux très pauvres. Vous êtes un être humain et vous devez ressentir les émotions du personnage que vous interprétez. Mais vous pouvez vous habiller comme au 17e siècle, et de cette façon, le public sait qui vous êtes et ce que vous êtes. Vous entendiez Audrey Hepburn, donc, en entrevue à la télévision néerlandaise en 1988 dans cet extrait. Icône du 7e art, Audrey Hepburn, bien sûr, Manon Dumais, mais icône de la mode également. Quelle importance ça aura, la mode, dans sa carrière? Mais en fait, et quand il se rencontre, Hubert de Givenchy, Audrey Hepburn, c'est pas du tout celle qu'il attendait. Il attendait Catherine Hepburn. On lui avait dit seulement, Madame Hepburn va venir vous voir. Et donc, il est un peu déçu sur le coup, mais ça dure pas très longtemps parce qu'il est ravi par cette silhouette-là, par cette élégance. Et en plus, elle entre parfaitement dans ses robes. Elle avait sans doute ce qu'on appelle la taille zéro. Ouais. Je dirais peut-être même moins deux. Mais donc, et dans tous ses films, c'est ce qu'on remarque. En fait, elle entre en scène. C'est comme une apparition. Il y a quelque chose de magique dès qu'elle entre en scène. Elle a cette manière de bouger, de vivre dans ce vêtement-là. Ben, comme le disait Vanessa Redgrave, qui est quelques années plus jeune qu'Audrey Hepburn et qui l'a vue danser. Elles sont allées à la même école de ballet à Londres. Elle disait, mais on le voit dans les scènes, dans sa façon de se déplacer dans le décor. Ouais. Elle bouge comme une danseuse. Et donc, c'est toutes ces années de travail, de discipline que lui a apporté le ballet qui lui donne cette démarche, cette présence. Aussi, son instinct, évidemment, parce qu'elle le répète, je n'ai pas de technique. Mais elle est modeste. Oui, elle est modeste. Si les vêtements qu'elle porte l'aident à interpréter les personnages qu'elle joue, ça sera aussi pour Givenchy un formidable véhicule publicitaire. Ah oui, parce que c'est 25 ans de collaboration. Oui. Des vêtements qu'elle porte qui sont devenus iconiques eux-mêmes. Tout à fait. Oui, dans oui, certains films. Oui, on se rappelle les robes qu'elle portait dans Sabrina, dans évidemment Diamant sur canapé, parce que cette fameuse robe-là, la robe cocktail noire qu'on voit au début du film, c'est une robe qui est en satin italien, un tissu qu'on utilise assez rarement, un tissu qui est tellement somptueux, mais tellement solide que la robe tient presque toute seule. Ouais. Et donc, elle était un peu comme un mannequin, mais avec du talent quand même, ouais, et une présence. Ce n'est pas qu'une beauté non plus. Elle prend sa retraite en 67, relativement hâtivement. Il y aura, bon, quelques films. En gros, ça se termine en 67. Pourquoi et qu'est-ce qu'elle va devenir après, Manon Dumas? Parce qu'en fait, elle voulait devenir maman. Elle a eu un fils en 60 et un autre en 1970. Elle a fait plusieurs fausses couches, plusieurs dépressions. Et elle, le rôle qu'elle voulait jouer, c'est maman. Les lumières de Hollywood, ça ne l'intéressait pas. Oui, elle aimait les rencontres avec les autres acteurs, avec les réalisateurs. Et donc, elle, toute sa vie, elle s'est rappelée la fin de la guerre avec l'UNICEF qui est arrivé avec des vivres. Et donc, elle a voulu, donner au suivant, comme on dit. Ouais. Et donc, elle est devenue ambassadrice pour l'UNICEF. Mr. Bond. James Bond. Où est l'or, Monsieur Bond? Toute ma vie, il m'a passionné. Je suis amoureux de sa couleur, de son éclat, de sa densité divine. C'est à quoi m'en tenir maintenant, Goldfinger. Merci pour la démonstration. Choisissez avec soin votre prochain mot d'esprit, Monsieur Bond. Il pourrait peut-être être le dernier. Espériez-vous que je parlerais? Non, Monsieur Bond, j'espère que vous mourrez. Il n'y a rien que vous puissiez me dire que je ne sache déjà. C'est avec le personnage de James Bond qu'on termine cette émission sur le cinéma des années 60, un extrait du film Goldfinger qu'on vient d'entendre, qui sort en 1964. Mais le premier, James Bond au grand écran, sort 2 ans plus tôt, en 1962. Il s'agit de Dr. No. Vous ne le voyez pas, mais moi je le voyais durant cet extrait. Il trépignait déjà avec un petit sourire malicieux, notre ami Georges Privet, qui est un fan, un vrai fan de James Bond. Qu'est-ce que ça représente d'abord dans l'histoire du cinéma comme phénomène? C'est un succès commercial énorme. Qu'est-ce que ça représente, les James Bond, Georges Privet? Ah, mon Dieu, vaste question. Ça représente d'abord un phénomène qui est aussi fort, mais peut-être plus encore aujourd'hui, 56 ans après sa création, qu'au moment de son origine, ce qui est rarissime. Ça représente un film, une série de films qui seront parmi les plus imités de l'histoire du cinéma, avec toutes sortes de parodies, d'imitations. On parlait de la nouvelle blague plus tôt, même Godard avec Alphaville, Lemmy Caution, l'agent 003 donnera dans le clin d'œil James Bond. Et ça représente un personnage qui est pour moi un paradoxe fascinant parce que c'est un personnage quelque part profondément repoussant. Il a une licence pour tuer, c'est un misogyne, c'est un sadique. C'est quelqu'un qui utilise et tue les gens. Mais quelque part, il est toujours extraordinairement populaire auprès des cinéphiles. Alors, qu'est-ce que ça dit de nous? Parce qu'il y a des James Bond encore aujourd'hui qui se font. Je sais pas dans quelle mesure, parce que effectivement, le premier James Bond, c'est sexiste. Absolument. C'est, ils le sont d'ailleurs presque tous à différents degrés. Et une des choses fascinantes, c'est de voir la manière dont le personnage a plus ou moins survécu à travers le mouvement de libération de la femme, à travers la rectitude politique, après avec l'ère MeToo, en s'adaptant légèrement, mais l'essence même du personnage reste assez dure, assez sadique et assez peu fréquentable, finalement, quand on y pense. C'est Terence Young qui va réaliser, il y aura plein de réalisateurs, évidemment. D'ailleurs, tous les réalisateurs, je ne sais pas pourquoi, mais veulent faire leur James Bond un jour, mais c'est Terence Young qui va réaliser les 4 premiers James Bond. On a un extrait. Vous allez voir, c'est intéressant parce que à un moment donné, il ne veut plus faire ça et ça l'ennuie carrément. On l'écoute donc parler à Martine de Barcy à l'émission Présent en 1971. Vous allez voir, il est assez critique, notre ami Terence Young. Oh, moi, je trouve que c'est le meilleur de tous les James Bond. Ça a l'air très arrogant de le dire, mais c'est assez correct. C'est le bon baiser de Russie. Pourquoi? Parce qu'on avait des moyens pour le faire que je n'avais pas exactement sur Dr. No. Dr. No était le premier. Pour ça, j'avais seulement $1 million pour le faire. Seulement? Seulement, oui. C'est pas beaucoup pour un film comme ça. Vous vous entendrez. Pour Bon Baiser de Russie, j'avais 2 millions. Et pour moi, Bon Baiser était le dernier film qu'on a tourné dans la série qui était dans l'esprit de Ian Fleming. Après ça, on est devenu les mécaniciens. Au lieu d'être un metteur en scène, on est devenu un mécanicien, un maître de robots, des machines, des gadgets et tout ça. Et par exemple, quand j'ai fait Opération Tonnerre, qui est le plus réussite financièrement, j'avais 9 millions de dollars pour le faire. Et c'était trop. C'était trop. Vous le reconnaissez vous-même. Oui, parce que le moment qu'on a tel moyen, on manque, on n'a pas besoin d'imagination. Parlez-moi un peu des gadgets dans James Bond. Moi, je vous dis honnêtement qu'il m'ennuie. Je trouve que c'est le côté de James Bond le plus infantile. C'est, je regrette, c'était un des plus populaires. Mais le problème avec le James Bond, il y avait un moment, ça n'arrive pas maintenant parce que je crois que ça a pris sa vraie place dans le monde. Mais moi, je m'appelle où j'étais interviewé en 65 par les professeurs de Harvard et de Yale et d'Oxford University en parlant de psychologie de James Bond, et analysant les effets sur la mentalité des jeunes et tout ça, que moi je trouvais absolument ridicule. On avait donné une fausse importance, une importance d'un tel point d'exagération que c'est de la folie. Autre extrait formidable, parce que on vient d'entendre Georges Privet, le premier réalisateur, il en a fait quatre des James Bond, et on a l'impression que ce réalisateur de James Bond n'aime pas tellement les films de James Bond. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est juste du divertissement, les réalisateurs de films? Oui, absolument. Ce n'est que du divertissement. Mais c'est quelque part la quintessence du divertissement. Pauline Kael, quand elle écrit un petit nombreux recueil sur le cinéma, elle l'intitule Kiss Kiss Bang Bang. Quelque part, à sa plus simple expression, ouais. Le cinéma d'évasion, le cinéma de divertissement, c'est ça. Donc oui, Terence Young prend ça peut-être un petit peu trop au sérieux. Il aurait une crise cardiaque en voyant les James Bond de Roger Moore, qui sont les plus fantaisistes, les plus délirants. Et ce qui est intéressant avec Terence Young, par contre, c'est qu'il a eu une influence déterminante sur le personnage, parce qu'il était dans la vie un peu James Bond, c'est-à-dire qu'il fréquentait les tables de jeu, les casinos, il aimait les jolies femmes, les bons vins. Et quand il a commencé à travailler avec Sean Connery, il a dit « Bon, voilà, je vais t'expliquer qui c'est James Bond. Ouais. Voilà comment tu marches, voilà comment tu tires ta cigarette. » Donc, il a eu une influence déterminante. Parce que la série est devenue par la suite, effectivement, plus elle est devenue dispendieuse, plus elle est devenue familiale. Et plus elle est devenue familiale, plus elle est devenue drôle ou auto-parodique, ouais. Avec des délires de gadgets et de décors absolument incroyables. Quand on en arrive à « You Only Live Twice », le décor fabuleux de l'intérieur du volcan qui a été créé pour ce film, a coûté à lui seul plus que le premier de James Bond. Incroyable. La dernière partie de l'extrait, quand il dit « c'était devenu n'importe quoi, j'étais invité à Yale, à Harvard, pour philosopher sur le sens profond des James Bond », est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est que pur divertissement? Ou sinon, il n'y a pas quand même dans les James Bond le reflet de quelque chose, d'une époque. Il y a le reflet de plusieurs choses. Je veux dire, les romans de Ian Fleming commencent à paraître à la même époque où Playboy commence à exister aussi. On est dans l'après-guerre, on découvre le tourisme, les joies du tourisme, d'un certain mode de vie. C'est quelque part ce que vend James Bond. C'est l'homme de goût, c'est l'inconscient quelque part du spectateur occidental qui veut aller en dominateur dans les anciennes colonies. Ouais. L'Empire britannique s'effondre au moment où James Bond, au contraire, prend son essor. Ça veut probablement dire quelque chose. Il y a une espèce de colonialisme culturel qui s'incarne via James Bond, qui est peut-être plus intangible, mais plus puissant que le véritable, et qui, d'ailleurs, continue de rayonner aujourd'hui encore. Ouais. Pour vous, Manon Dumais, André Habib, d'abord, ça vous branche ou pas, les James Bond? Manon Dumais. Honnêtement, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Pourtant, je les ai tous vus. Et moi, je suis de l'époque de Roger Moore, mais il m'exaspérait parce que j'avais l'impression qu'il s'intéressait plus à lui-même, à être joli à la caméra, qu'à ses partenaires. Donc, je préférais Sean Connery jusqu'à temps qu'apparaisse James Blond, interprété par Daniel Craig. Ouais. Et j'ai vu un peu la lumière au bout du tunnel quand est apparu Dame Judi Dench dans le rôle de M. Hélas, on a tué ce personnage-là et c'est Ralph Fiennes qui est revenu dans le rôle de M. Et je trouve ça désespérant. Je me disais, enfin, abat le machisme, mais non, c'est toujours aussi macho. Ouais. Et je rêve un jour de voir Idris Elba comme le prochain James Bond. Ouais. Mais c'est fascinant quand même. On revient à cette notion de survie du personnage. Elle vit, elle évolue, on est de plus en plus. Justement, le personnage de Judi Dench, à un moment donné, a servi à actualiser. Parce qu'elle disait à Pierce Brosnan, vous êtes un dinosaure, vous êtes un misogyne, vous êtes le représentant d'un ordre déchu. Mais on continue quand même, et c'est un des secrets de la série. C'est-à-dire qu'on le met... On le met à jour, on ne change pas la base, mais on le met à jour selon le climat politique de l'époque, selon le climat cinématographique. Parce que c'était la guerre froide au début. Absolument. Ça évolue. Ouais. Absolument. Et ces films-là sont des espèces de témoins de leur époque, de reflets de leur époque, des reflets grossissants, caricaturaux et tout ce qu'on veut. Mais ils disent aussi quelque chose des goûts, des tendances sociales, des tendances historiques et des tendances cinématographiques. Quand Star Wars devient le succès que l'on sait, on fait Moonraker. Ouais. Quand Miami Vice à la télévision devient le phénomène que l'on sait, on fait License to Kill. Ouais. On adapte à la formule et aux préoccupations du jour. Et James Bond, ça reste... En même temps que c'est très hollywoodien, ça reste... C'est Ian Fleming, d'abord, c'est un auteur. C'est des romans qui sont transposés ensuite à l'écran, puis il y aura des scénarios originaux. Mais j'allais dire, ça reste, même dans les plus récents, britannique, George. Ben, il faut savoir que Ian Fleming, le créateur de James Bond, est un ancien officier de l'intelligence navale britannique. Donc, c'est profondément britannique. Ouais. Les premiers James Bond se déroulent dans les anciennes colonies, dans les lieux fréquentés par l'aristocratie anglaise depuis le 18e siècle. Il n'obéit qu'à la reine. Ouais. Il est tellement associé à la reine qu'aux Olympiques de 2012, je crois, on les voit ensemble dans un film promotionnel. Elle acceptait ça, c'est fou quand même. On ne peut pas dire à quel point... Il n'y a pas de témoignage plus fort du rayonnement qu'il apporte encore à l'Empire britannique. Donc, c'est vraiment un ambassadeur culturel et aussi, il faut le dire, de plus en plus un ambassadeur publicitaire. Oui. Parce que comme James Bond est un homme de goût, il consomme le champagne Bollinger. Un véhicule publicitaire formidable. Exactement. Et il est devenu une espèce d'homme sandwich au fil des ans. Oui. Maintenant, une grande partie du budget publicitaire promotionnel des films est payée par la publicité parce que c'est essentiellement ce que c'est devenu. La question, évidemment, de incontournable quand on parle de James Bond, à chacun son James Bond. Il y en a eu plusieurs. On l'a un petit peu abordé avec Manon Dumais, mais puis vous me parlerez de l'importance qu'ont les interprètes dans le succès de la série. Georges Privet, mais André Habib, je ne sais pas qui veut. Quel est votre James Bond, vous? Ben moi, c'est vraiment associé à l'enfance, donc c'est Roger Moore pour moi, malgré le côté insoutenable et insupportable, d'où le fait que j'ai très, très peur de revoir les films et de les trouver absolument insupportables. Mais oui, c'est très, très, très associé pour moi à la première empreinte, For Your Eyes Only, le premier film que sérieux, entre guillemets, que je voyais en salle très, très jeune. Donc maintenant, on a vu votre évolution jusqu'à vos espoirs les plus fous pour ce qui est de l'incarnation de James Bond. C'est important, Georges Privet, ou pas, l'interprète de James Bond? Dans une certaine mesure, oui. Manon et André évoquent Roger Moore. C'est pour la plupart des gens de notre génération, grosso modo, le James Bond qui reste. C'est le James Bond des familles. C'est le plus accessible, c'est le plus humoristique. C'est celui qui a joué dans les films les plus fantaisistes. Aujourd'hui, je pense que le James Bond de Connery, qui était carrément sadique, sexiste, misogyne, raciste, ne passerait tout simplement pas. Ils reflètent tous leur époque dans une certaine mesure, mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'essence du personnage demeure inchangée. Oui. C'est déjà le moment de terminer cette émission. Dernier tour de table. Je le disais au début, hein, c'est des choix qui sont vraiment très, très difficiles à faire. Choisir trois séquences seulement pour évoquer toute une décennie au cinéma. Si on avait pu parler d'autre chose, de quoi aurions-nous dû parler, André Habib? L'histoire du cinéma politique qui vit un essor extraordinaire dans les années 60, entre autres, le cinéma militant, le cinéma engagé en Europe, en Amérique latine, au Japon, au Québec, ça aurait été un des morceaux, le cinéma des droits civiques, etc. Ouais. Ça aurait pu être un important maillon, ou les liens entre cinéma documentaire et cinéma fiction avec Perrault. Donc c'est l'époque où il y a beaucoup, beaucoup de ponts entre ces deux genres. Ça aurait pu être un chantier passionnant. Je note, je prends des notes. Manon Dumais. Moi, j'aurais voulu qu'on parle des comédies musicales. On aurait pu parler notamment de My Fair Lady avec Audrey Hepburn. Aussi des films d'horreur italiens. Oh, j'aurais aimé qu'on parle de Mario Bava et pourquoi pas rester du côté de l'Italie et parler des Western Spaghetti de Sergio Leone avec la musique d'Ennio Morricone. Je continue de prendre des notes. Georges Privet. Moi aussi, grande nostalgie pour le cinéma politique, le cinéma engagé des années 60, grande nostalgie du cinéma italien des années 60, décennies extraordinaires, Fellini, Antonioni, De Sica, Sergio Leone, on les compte plus. Le déclin des grands studios américains et l'avènement de la génération Easy Rider, qui est un peu le pendant de la nouvelle vague aux États-Unis et qui va signaler un changement majeur dans la fabrication du cinéma aux États-Unis. L'ascension internationale de Geneviève Bugeaud. Oui. Enfin, il y a tellement de phénomènes, les années 60, c'est une boîte de Pandore. En tout cas, merci de l'avoir... survolé avec nous, Georges Privet, Manon Dumais, André Habib. Ça a été un vrai plaisir. Merci à tous les trois. Merci. Merci.